بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل هذا الدرس donc nous continuons dans ce cours وكنا قد وقفنا عند قول الناظم عند قول الماتن رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Donc nous nous étions arrêtés lorsque l'auteur dit le troisième point qui est une obligation sur tout musulman et toute musulmane d'apprendre et de mettre en pratique, c'est que quiconque obéit au prophète et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il ne lui est pas permis de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fût-il un proche parent. وقلنا إن هذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء. Et nous avons dit que cette question est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. بأن تحب في الله وتبغض في الله, que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. وقلنا إنه لا مجاملة في ديننا. Et nous avions dit qu'il n'y a pas de concession dans notre religion. لكن on a revu la traduction donc du terme mujamala. Et le terme mujamala en fait veut dire complaisance. Faire des complaisances. Donc il n'y a pas de complaisance dans notre religion. Yani an tuzhira shay'an wa tubtinul khilafahu. Que tu montres à une personne que tu l'aimes et alors au fond de toi-même tu ne l'aimes pas. Fala mujamalata fi dinina. Il n'y a pas de complaisance dans notre religion. إذن نواصل ونقول من ادعى أنه موحد أو من ادعى أنه موحد وأنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه الدعوة سوف تمنعه من أن يحب من كان عدوا لله ومن يشاقق الله والرسول ومن يخالف أوامر الله ويخالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, celui qui prétend être monothéiste, qui prétend concrétiser le tawhid et qui prétend être obéissant au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, si sa prétention est vraie, s'il est véridique dans cette prétention, eh bien, cela va l'empêcher d'aimer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ennemis de son prophète. Et ceux qui combattent Allah subhanahu wa ta'ala et qui combattent son prophète. Et ceux qui contredisent Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui contredisent les ordres du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Walau kana akraba qaribin. Walau kana walidahu. Aw walada. Même si cette personne-là est un proche parent. Même si cette personne-là est son père. Même si cette personne-là et son fils. Le musulman, le muwahhid, la yuhibbu a'da Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant aux croyants: Ne prenez pas vos pères et vos frères, vos frères de sang. Ne prenez pas vos pères et vos frères de sang comme alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَالِيَ أَعْدَى اللَّهِ وَلَوْ كَانُوا أَقْرَبَ قَرِيبٍ. Donc le musulman, il ne lui est pas permis de prendre pour alliés les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, fussent-ils des proches parents. فإن كان صادقا في دعوى الإيمان بالله ورسوله ورأى أقرب قريب له محادا ومشاقا لله والرسول ويحارب الله والرسول ويحارب دين الله ودين الرسول يجب أن يتبرأ منه كما حصل ذلك لجماعة من الصحابة. Donc, celui qui est véridique lorsqu'il prétend croire à Allah subhanahu wa ta'ala et croire à son prophète, s'il voit un de ses parents, quelqu'un de sa famille, s'il voit quelqu'un de sa famille qui s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète, et qui combat Allah et son prophète, et qui combat la religion d'Allah et son prophète, s'il voit quelqu'un comme ça dans sa famille, il est une obligation pour lui de se désavouer de lui, comme l'ont fait beaucoup de compagnons. لما كان آباؤهم وإخوانهم أعداء لله والرسول تبرأوا منهم. نعم. Lorsque certains compagnons ont vu des gens de leur famille, tels que leur père ou leur frère, qui étaient des ennemis d'Allah et du prophète, qui combattaient Allah et son prophète, lorsque ses compagnons ont vu cela de certains de leurs pères ou certains de leurs frères, ils se sont désavoués d'eux. والدليل على هذه المسألة, et la preuve sur cette question ou sur ce point, قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. Donc c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Ces gens-là, n'am, ces croyants qui ne prennent pas pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur frère, n'am, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. أولئك, ces gens-là, كتب في قلوبهم الإيمان. Et ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit la foi dans leur cœur. Ce sont eux les vrais croyants. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Et il les a appuyés, نعم, par une puissance venant de lui. لأن الروح في هذه الآية لما قال وأيدهم بروح منه كما جاء في تفسير هذه الآية, الروح في هذه الآية معناها القوة, وأيدهم بقوة منه. Donc ces gens-là qui se sont désavoués des ennemis d'Allah et des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était des gens de leur famille ou des gens de leur tribu, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit la foi dans leur cœur. Ce sont eux les vrais croyants. Et Allah les a assistés et leur a porté secours en leur accordant une puissance de sa part. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Et il les fera entrer dans des jardins, hein, sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés, et ils l'ont agréé, et ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Radu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Ils ont agréé Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Muhammad comme prophète. أولئك حزب الله. Ces gens-là font partie du parti d'Allah. هؤلاء هم حزب الله وليس حزب الله الكافر الرافضي الذي يدعي محاربة اليهود. نعم. أولئك حزب الله أهل الإيمان أهل التوحيد ليس أهل الشرك وأهل البدع. Donc Yani, Allah a dit, ces gens-là sont le parti d'Allah. Et non pas Atatou, ceux qu'on entend Atatou, hein, au Liban et ailleurs, nam, qu'ils appellent Hezbollah, nam, et qu'alors que ce sont des chiites dans la branche la plus extrême du chiisme, que les ulamas sont unanimes sur leur mécréance. Et ces gens-là prétendent combattre les juifs. Ma'anahum awla bil muharaba. Idan, Hezbollah, le vrai parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens du tawhid et les gens de la sunna, non pas les gens du shirk et les gens de la bid'a. Ala inna hizballahi humul muflihun. Et certes, c'est le parti d'Allah qui réussira. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله وبغضه.